pourrais en parler pendant des lunes. Contre ces semblants de futur, je lâche des murmures dans le vent pour les enfants des rues. Trêve de hurlements, frangin chute, je chante. Mets-moi une tasse d'hydromel, un air de flûte de pan. Pain, pita, frites à part, pas de salade, tire à passe. Si ça marche, on te le dira pas. Nique les pirates, des marées basses. Dédicace les tziganes sales, les petites cailles des favelas. Appelle-les que tous tes copains débarquent. Ici ça rime à l'art, qui va là, là, le grand Colin des bois. Y'aura pas de jambonade ou de carbonara sans fromage. Fantastique quand ça kick à la cantona. C'est fini la tristesse, on vieillit plus, on fait la fête. CIT a délivré Lily la tigresse. Qui veut encore du miel, dessert sur un nuage, survol Bruxelles avec mes gosses du père, t'essayes. Tu m'as fait un gros popo. C'est vrai, oui. Le coffre à popo. Non pas ça, pas le coffre, le coffre à popo. Non. On a grandi mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute, tu vois nos têtes sur des affiches. Mais c'est pas child focus, vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regardons le ciel ensemble. On a grandi mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute, tu vois nos têtes sur des affiches. Mais c'est pas child focus, vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regardons le ciel ensemble. J'ai la nostalgie de l'enfance où je m'amusais avec rien. Je me fais que du mal maintenant qui fait que je cherche après le bien. J'aimerais retrouver mes cheveux manquants, réécouter mes vœux d'antan. Me conseiller sûrement ça dont j'avais besoin. Avant je pouvais me péter au calme de Zaranov. Maintenant si je fais ça, c'est direct à la mort. 18 ans cheese, ouais ça se pavane Adam. Nous prends pas pour exemple petit padawan. Si tu trouves une île, on grandit plus, file le truc. Direct je me casse là-bas, car vieillir je ne veux plus. Paraître plus vieux, ouais c'est ton truc. Mais on en reparlera. Vas-y roule, roule, je vais cramer ce gros pêche. Je veux la poudre, poudre de la fée clochette. Pour que je bouge, couche et que je décolle sec. Parce que fou, je doute, gros ça c'est le problème. C'est pour mes vagabonds qui traînent, ceux qui se pavanent, ceux qui craignent, ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Irritable et insouciant, fuck les adultes, on est bien, on veut que ça dure. Même si parfois un brin souffrant, c'est endurci sans raccourci. Adolescent des plaines, c'est la folie qui nous poursuit. Agrandissant nos cerfs, c'est tous mis à part, sans mêlant à des chaînes. À regarder nos vies comme un immense échec. Rien d'extraordinaire, si ce n'est l'esprit de famille. En été comme en hiver, on est festif l'ami. Hey yo, je vais pas te mentir, on ne veut pas grandir. Et vu le contexte, on se dit que ça pourrait être vachement pire. Parce que tout coule dehors, maintenant cette foule de porcs. Face à nos tristes sorts, même pas une goutte de remords. On imagine le pire, pour ça on tue les taffes. Laissez-nous sur notre île avant que nos pulls éclatent. On a grandi mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute, tu vois nos têtes sur des affiches. Mais c'est pas child focus, vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regardons le ciel ensemble. On a grandi mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute, tu vois nos têtes sur des affiches. Mais c'est pas child focus, vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regardons le ciel ensemble. C'est plus du rap quand je kick, est-ce que tu l'as senti? Je croise les doigts si je te mens, appelle-moi Peter Pan. J'ai du mal à grandir, c'est bête, je m'arrête plus de céder. Fois la verte reprise nos crânes. Je vais les gratter une dernière fois, gagner au win for life. Je vais me pavaner, ça me va bien du coup. J'étale ma peine, j'ai grave la flemme, j'sais pas quoi faire, à part rien du tout. On s'en captive nos fixations, contemplative notre inaction. Je viserai en vain, et le poème s'expulsera. Triste exemple, un phénomène des plus crates. Mes différents chemins mènent au même résultat. On était tu sais fou, puis mes conneries m'entraînent. Je suis désorienté, putain, on est perdu chez nous. Que ce soit Bruxelles, Paris, Genève, tu cherches la vie de rêve. Ou Charlotte, Marseille, Lausanne, partout pareil, dommage. J'ai mis lacune, je me sens trop faible, c'est triste à vue, le temps m'obsède. Crois mes histoires, moi c'est Icar, j'ai pris chaque plume pour m'envoler. On a grandi mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute, tu vois nos têtes sur des affiches. Mais c'est pas child focus, vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regardons le ciel ensemble. On a grandi mais on s'est pas perdu. Laisse place et chute, tu vois nos têtes sur des affiches. Mais c'est pas child focus, vision d'adulte avec des rêves d'enfant. Visons la lune, regardons le ciel ensemble. Ce morceau, c'est le son des enfants perdus. Dans le champ et la verdure, rancement et amertume. Yo, fonce, penche lentement, mais l'âme est pure. Je voudrais me voir dans 30 ans, repenser à ces trucs. Ce morceau, c'est le son des enfants perdus. Dans le champ et la verdure, pansement et amertume. Yo, fonce, penche lentement, mais l'âme est pure. Je voudrais me voir dans 30 ans.